bien mort, le malamour et ses petits cœurs rabougris se lèvent d'une sans pareil. Tout commence enfin pour de vrai. Fini l'amour à temps partiel et les torrents qu'on retenait, c'est notre pleine lune de miel. Des cœurs sentinelles, des âmes jumelles pour une vie. Sorcellerie, incantation, gris-gris d'amour, la lune mou, grande magie. Les yeux se tournent vers le ciel pour décoder les vieux secrets des grands moteurs providentiel. Et moi je t'aime comme jamais, c'est notre pleine lune de miel. Des cœurs sentinelles, des âmes jumelles pour une vie nouvelle. Nous avons fait tant de détours et traversé tant de folies, questionné tant de carrefours, épuisé tant d'anesthésie, frôlé de si près l'essentiel. Il fallait que tout se démêle. Maintenant je sais qui tu es, notre pleine lune de miel. Des cœurs sentinelles, des âmes jumelles. Je n'attendais plus jour d'amour, je n'en pouvais payer le prix. Comme en monnaie de troubadour, ouais, pour moi c'était bien fini d'avoir sentinelle.